cœur de Shirley Bassey sur RGM. 8h presque 36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 8 janvier. Pas beaucoup d'anniversaires ce matin. On commence en 1937 avec la naissance de Shirley Bassey, chanteuse britannique, dont on vient d'écouter le titre Goldfinger, chanson du James Bond du même nom. Et elle a interprété également d'autres thèmes de la saga James Bond. 1946, naissance de Robbie Krieger, musicien américain, guitariste du groupe Doors. 1951, naissance de John McTiernan, réalisateur américain, réalisateur de Predator, Piège de cristal, Une journée en enfer, producteur également d'Une journée en enfer et producteur délégué de Robin des Bois. 1965, naissance de Michelle Forbes, actrice américaine, vue dans Hunger Games, La Révolte partie 2 dans le rôle du lieutenant Jackson, la série télé Star Trek, La Nouvelle Génération dans le rôle de Dara, la série 24 dans le rôle de Lynn Krege et Prison Break ou encore Chicago Fire. C'est également l'année de naissance de Pascal Obispo, chanteur français. 1981, naissance de Geneviève Cortez, actrice américaine connue pour ses rôles à la télévision dans la série tout d'abord Wildfire dans le rôle de Chris Furio Davis et la série Supernatural dans le rôle de Ruby. Et on termine en 1990 avec la naissance de Claudine Mendy, handballeuse française qui a joué à Metz, à Nîmes, mais depuis 2016 elle joue au club de Fervard KC. En sélection nationale, elle a été finaliste avec ses coéquipières de l'équipe de France du championnat du monde 2011 ainsi que du championnat du monde 2009. Allez, comme tous les mercredis, on reprend les bonnes vieilles habitudes. On va parler des sorties cinéma. On commence tout de suite avec un thriller science-fiction de William Eubank intitulé Underwater avec Kristen Stewart, T.J. Miller ou encore Jessica Henwick. Cette fois-ci, c'est un film d'animation intitulé Les Enfants du Temps. On continue avec un thriller intitulé Les Siffleurs de Corneliu Pourumbu avec Vlad Ivanov, Catherine L. Marlon ou encore Rodica Lazar. Autre film, Sol, comédie de Jezabel Marquez avec Chantal Lobby, Camille Chamou ou encore Giovanni Pucci. On continue avec une comédie dramatique intitulée Un vrai bonhomme de Benjamin Parent avec Thomas Guy, Benjamin Voisin ou encore Isabelle Carré. On enchaîne avec un drame comédie intitulé L'Adieu, The Farewell de Lulu Wang avec Zhao Shuzhen, Wakwafina ou encore Ex Mao. Et enfin, on termine avec une comédie intitulée Merveille à Montfermeil de Jeanne Balibar avec Emmanuel Béard, Ramzi Bedia ou encore Jeanne Balibar. Voilà pour les sorties cinéma. J'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît. Nous, on va tout de suite marquer une pause musicale avec le groupe The Doors et leur titre Light My Fire. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Sur le 107 FM, presque 8h46, on parle tout de suite météo. La météo. Le dicton nous disait tant à la Saint-Lucien, tant de chiens. Eh bien, ça va se vérifier aujourd'hui parce qu'on passera la journée sous les nuages et de la pluie. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin, entre 7 et 8 degrés pour cet après-midi. Jeudi, quelques éclaircies. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 9 et 10 degrés prévus pour jeudi après-midi. Vendredi, ce sera plutôt mitigé, alternance d'éclaircies et de pluie. Des températures comprise entre 6 et 7 degrés le matin, entre 7 et 8 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, il est temps pour nous de parler maintenant sport. Les résultats sportifs. Et pour commencer cette actualité sportive, on va parler tennis avec les résultats à Doha où malheureusement Jérémy Chardy s'est incliné hier face à Stan Wawrinka 6-3, 6-4. Pierre Hugerbert lui en revanche s'est qualifié en 2-7 face à l'Italien Cecchinato 6-3, 6-4. Aujourd'hui, 3 Français sur les courts. Joe Wilfried Tsonga affrontera Kecmanovic. Corentin Moutet lui sera opposé à Raonic et Pierre Hugerbert à Djeré. Et à Auckland aujourd'hui, Alizé Cornet est venue à bout de la tête de série numéro 2 Martic en 3-7, 3-6, 6-4, 6-4. En revanche, élimination de Caroline Garcia face à Eugénie Bouchard en 2-7, 6-4, 6-4. C'est l'ATP Cup aujourd'hui pour l'équipe de France masculine. Ça vient de commencer entre Benoît Paire et Harris. C'est France-Afrique du Sud, donc on est dans le premier set. C'est Benoît Paire qui est au service et pour l'instant le français est mené 0-15 sur son service. Je vous le disais, ça vient tout juste de commencer. Ensuite, suivra Gaël Monfils face à Kevin Anderson et si besoin, le double. Un mot de volley maintenant avec le tournoi de qualification olympique. Ce soir, la France affronte les Pays-Bas et nos Français n'ont pas le choix que de s'imposer s'ils veulent avoir une chance d'aller aux Jeux Olympiques. Un mot de hockey sur glace avec du hockey féminin et le mondial D1A avec nos bleuettes qui malheureusement se sont inclinées hier face à l'Allemagne 6-0. On termine cette actu avec du basket et les résultats de cette nuit en NBA. 3 Français ont disputé des matchs. On commence avec Tilly Kina avec son équipe de New York qui malheureusement s'est inclinée face aux Lakers de Los Angeles 117-87. 7 points pour le Français. L'équipe de Phoenix d'Okobo s'est inclinée 103-114 face à Sacramento, 6 points pour le Français. Et l'équipe de Détroit du tout jeune Sekou Doumbaya, 19 ans, s'est imposée 115-113 face à Cleveland, 15 points pour le Français. Et eh bien, il fait parler de lui ce matin sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert mon Twitter ce matin, et eh bien, je n'ai vu que ça. Et notamment grâce à un très beau dunk. Voilà, c'est le pourquoi du comment. Il fait parler de lui en ce début de journée. Donc on va suivre ses performances. Et bien c'est tout pour l'actualité sportive, enfin, c'est déjà pas mal. Allez, on va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec Pascal Obispo. Je suis remontée quelques années en arrière et je vous ai retrouvé le titre « Tombé pour elle ». Moi qui voyais le mal partout. Si l'amour est encore sur terre, rien efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré. Autant de joie pour personne. Le canon qui résonne ici sur pilotis, refuge de mes amours engloutis. Mon cœur d'éponge à la dérive, les marées ne me feront revenir. Je reste avec les étoiles de mer, les oiseaux, les terres amères, et mon cœur qui se perd. Je suis tombé pour elle, je n'ai dit que pour elle. Ma maison m'a tué folle, quand mes amours prennent l'eau, l'îlot. Au-dessus des marais, j'ai de l'amour à perpétuité. Pour pile à sur mer, arc inféré, la pointe aux chevaux de mer l'été. Arcachon piqué, effrayé, l'éliant, les glaces sur la jetée pourraient bien me manquer. Je suis tombé pour elle. Je n'ai dit que pour elle. Ma maison m'a tué folle. Quand mes amours prennent l'eau, l'îlot d'oiseau. Pour elle, Pascal Obispo. Et j'étais en train de suivre le match de tennis et je vois que France-Afrique du Sud est annulée. Alors je ne sais pas.